cash. J'suis en manque de cash, cousin, j'te jure, j'tourne en rond sur les routes de l'oseille. Maman grandissant loin du soleil. Entre les fautes à fait la NPE, j'me fais BER sans mes pères, loin de mon RERP. Pas moyen de bouger sans moyen prohibé. J'm'enterre et m'enferme dans mon bâtiment B. Vois la vie comme une mauvaise plaisanterie. Les moments plaisants s'effacent, les sourires trépassent. Ce système n'est que néfaste. Le manque d'argent, l'argent dans la marge. Putain, j'ai peur de devenir barge. Mettre un canon sur la tempe et prendre le large. Mais j'ai besoin de cash, mais j'ai besoin de cash. Donne-moi du cash, donne-moi du cash. J'ai besoin de cash, donne-moi du cash. J'ai besoin de l'argent, de la maille, des copecs, du flouze, la thune et tout ce qui va avec. Sur la tête, j'ai envie de niquer ma vie sur un coup de tête. Sur un coup de tête. J'ai besoin de l'argent, de la maille, des copecs, du flouze, la thune et tout ce qui va avec. Sur la tête, j'ai envie de niquer ma vie sur un coup de tête. Sur un coup de tête. J'me sens mal dans ma peau, étranger à ce monde de cash. Un putain de mal-être dans le creux de ma paume. Il me faut absolument du cash avant que je me paume. Marre de pas pouvoir m'acheter de la graille. Marre de pas pouvoir m'acheter de la sape. Marre de pas pouvoir kiffer le mi-père. Marre de pas pouvoir kiffer l'époque. Marre de pas pouvoir kiffer les potes. Marre de pas pouvoir voir les darons pépères. Marre de survivre. Marre de se réveiller sans aucun repère. Marre d'être ivre. Marre de pas pouvoir vivre libre. Marre de toutes ces administrations. Marre des ascétiques. Marre de la NPE. Marre de la mission locale. Marre des assistantes sociales. Marre de tout ce système. Marre, marre, j'en ai marre. Marre de tout ça. Marre. J'ai besoin de l'argent, de la maille, des copecs, du flouze, de la thune et tout ce qui va avec. Sur la tête, j'ai envie de niquer ma vie sur un coup de tête. Sur un coup de tête. J'ai besoin de l'argent, de la maille, des copecs, du flouze, de la thune et tout ce qui va avec. Sur la tête, j'ai envie de niquer ma vie sur un coup de tête. Sur un coup de tête. J'ai besoin de l'argent, de la maille, des copecs, du flouze, de la thune et tout ce qui va avec. Sur la tête. J'ai envie de niquer ma vie sur un coup de tête. Sur un coup de tête. J'ai besoin de l'argent, de la maille, des copecs, du flouze, de la thune et tout ce qui va avec. Sur la tête. J'ai envie de niquer ma vie sur un coup de tête. Sur un coup de tête.